vie elle les fait danser. Donc je les traduis en français. Yeah. Organisé comme Ohazi. Elle va percer si je la fiance. Madrid, Paris, London. Je vais leur faire une 4-4-2. Franzosen, Berlin, Allemande. Ribéry, Kaiser, Rabadab. Kardashian, Arbi. Chiptari, Ghanoua. J'suis une légende comme Hasni. Ils veulent me tuer dans le noir. Hayati, je chante Hayati. Millionnaire qui sort de la city. Hayati, Hayati. Millionnaire, donc j'peins dans ta suite. Hayati, je chante Hayati. Millionnaire qui sort de la city. Hayati, Hayati. Millionnaire, donc j'peins dans ta suite. J'crois qu'on va nous tenir à plein de bêtes. On tente de bien échouer, on se Mbappé. Dein Trap wurde von Mero durchgenommen. Dein Trap, die kriegt genau das, was sie wollt. Tut mir leid wegen dem Hype und dem Erfolg. Machen Auge, weil sie sehen. Wir sind international im Game. Francier bis Germany. Business kein Sammy Red, sei dead und tragen Burberry. Kip Hennessy am Block. Platz ist die Molotovs. Schmeißen auf jeden Kopf. Straße, my motherfuck. Hayati, je chante Hayati. Millionär, qui sort la city. Hayati, Hayati. Millionär, doch ich bleib auf der Street. Hayati, je chante Hayati. Millionär, qui sort la city. Hayati, Hayati. Millionär, doch ich bleib auf der Street. Hayati, c'est vida loca. Hayati, c'est dolce vita. Hayati, c'est vida loca. Hayati, c'est dolce vita. Hayati, c'est vida loca. Hayati, c'est dolce vita. Hayati, c'est vida loca. Hayati, c'est dolce vita.